Laissez-moi rêver, laissez-moi y croire, laissez-moi dire qu'on peut changer l'histoire. Si c'est vrai qu'on est libre, qu'on peut s'envoler, qu'on me délivre, je sens que je vais tout faire dans ce mini. De courir au ralenti dans ce mini mini mini world mini mini ce mini mini world mini ce mini mini world mini mini. Je rêve encore qu'on chante les mêmes mélodies, je ne les comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils me veulent dire? Pourquoi j'ai froid? Est-ce que c'est dans ce mini mini mini world mini.